Section 35 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 35, Les amours de Gilles, livre 4e. Isabelle par Louis Morin. Chapitre 8, Fin des misères de Paquette. Paquette eut un rêve joyeux. Florise était partie depuis longtemps. Il n'en était plus question. Et par un prodige, Gilles et Paquette revivaient le temps de leur fiançailles. Ils s'en allaient au Lido et, sur la plage déserte, devant la grande mer vert émeraude, ils passaient des heures ainsi, la main dans la main, à se regarder. Cependant, une inquiétude vint l'agiter. Elle voulait embrasser Gilles. Elle étendait les bras et, ne rencontrait que le sable où son image disparaissait, s'évanouissait. Puis elle eut conscience qu'elle rêvait. Elle se réveilla, dit « Ah, Gilles, je rêvais que je ne pouvais t'embrasser, viens !» et vit qu'il n'était plus auprès d'elle. Et elle se leva sur son séant, glacée, encore incertaine si elle ne continuait pas le songe interrompu. Elle vit la porte entr'ouverte et crut que Gilles était allé près de sa mère. Elle appela doucement « Gilles, Gilles !» Ses yeux tombèrent sur la chaise où il avait coutume de mettre ses vêtements. Il n'y était plus. Il s'était habillé. Prise de terreur, elle rejeta les couvertures et courut vers la porte. Mais elle fut obligée de s'y tenir des deux mains. Le vertige la faisait vaciller. Cependant, elle arriva à la chambre de sa mère. Gilles n'y était pas. La bonne femme dormait. Il n'était pas dans l'appartement. Il était parti. Parti avec Florise? Pour la France? Cette idée lui vint tout de suite et se fixa dans son cerveau. Alors, elle revint dans sa chambre, s'appuyant au mur, elle ferma la porte et s'assit sur une chaise. Elle était en chemise, les pieds nus, elle tremblait, ses dents claquaient. Elle ramassa ses jambes sous elle et serra ses mains entre ses genoux. L'horloge tinta 3 fois. Paquette restait dans une stupeur morne, N'ayant conscience que de sa solitude, de son abandon. Enfin, les larmes lui venant, elle se mit à pleurer doucement, comme un enfant qu'on a laissé tout seul. La demie sonna. Il était 3h30. Ce bruit de l'horloge réveilla Paquette de son engourdissement. Alors, très calme, elle se leva et marcha vers la fenêtre. Elle l'ouvrit. La lune était en face d'elle, au-dessus des toits de la rive opposée. Elle se tint immobile, éprouvant une douceur triste à regarder le bel astre. Puis elle porta les mains à sa poitrine, d'un geste fit glisser sa chemise à ses pieds et, toute nue, se mit à aspirer l'air glacé, comme si elle buvait la mort à longs traits. Le vertige lui revint. Alors, laissant la fenêtre ouverte, elle gagna son lit et se coucha, toujours nue, en croisant les mains sur sa poitrine. À ce moment, il lui sembla entendre un cri inarticulé et comme la chute d'un corps sur le plancher. Mais un grand frisson la parcourut tout entière et elle perdit connaissance. Il était 5h du matin. Gilles courait dans les ruelles, la tête en feu, ivre de l'amour qu'il avait repris et dévoré tout à la fois d'inquiétude. Il se disait « Comment suis-je resté si longtemps? Heureusement qu'il fait encore nuit noire. Bien sûr, elle dort. Il ne s'agit plus que de rentrer sans qu'elle s'en aperçoive. » Hélas, que dis-je? Il s'agit bien d'autre chose. Florise ne veut plus partir, et moi non plus je ne veux plus qu'elle parte. Ah, malheureux, malheureux que je suis! » Arrivé à la maison, il ouvrit la porte et tout doucement gravit l'escalier. Nul bruit. Il s'avança, les mains étendues dans l'obscurité. Mais un cri étouffé, une plainte affreuse, un râle de bête fauve étranglée vint figer son sang dans ses veines. Il heurta une masse qui se mouvait sur le plancher de l'antichambre, et il se sentit saisir par la jambe d'une étreinte horrible. Épouvanté, il se dégagea et entra dans la chambre de Paquette. L'air froid vint le frapper au visage. Sur le lit, éclairé par les rayons de la lune, gisait le corps inanimé de la malheureuse. Cependant, la mère Pulcie continuait à gémir misérablement. C'était elle qui, réveillée par les sanglots de sa fille, avait par la pensée assisté à son suicide. Dans l'angoisse horrible de ne pouvoir lui porter secours, elle avait compris que Gilles était parti. Elle avait entendu le grincement de la fenêtre. Alors elle s'était jetée courageusement à bas de son lit et, réunissant toutes ses forces, elle avait pu se traîner jusqu'à l'antichambre. C'était là que Gilles l'avait heurtée, épuisée d'appels inutiles. 20 fois elle était retombée sans avoir pu atteindre le loquet de la porte. Mais Gilles n'entendait pas sa plainte qui grondait comme une malédiction. Il s'était jeté sur le corps de Paquette et il essayait de la réchauffer sous ses étreintes, de la ranimer par son souffle. Non, elle n'était pas morte. Il entendait sa faible respiration, il sentait sous sa gorge froide le cœur battre faiblement. Dans son désespoir, il ne savait que faire. Il avait envie de se briser le crâne sur le pavé. Il ne pensait même pas fermer la fenêtre. Il recouvrit Paquette, lui parla. Mais elle ne le reconnut pas. Si ses lèvres s'entr'ouvraient quelquefois, c'était pour laisser échapper un soupir semblable à un râle. Alors il prit le parti d'aller chercher du secours. Il gagna l'escalier, frappa aux portes, appela les voisins. Quelques-uns arrivèrent. Il supplia qu'on allât chercher le médecin et Plucinelle, qui demeurait à peu de distance. On rapporta la mère Plucie sur son lit. Plucinelle arriva le premier. À quelques mots de Gilles, il comprit tout. Ses poings se serrèrent. « Misérable » murmura-t-il. Puis il regarda Paquette, et de grosses larmes coulèrent le long de ses joues. Au jour, le médecin parut. Il examina la malade, hocha la tête et prit son chapeau pour s'en aller. « Qu'y a-t-il à faire ? Qu'y a-t-il à faire ?» demandèrent ensemble Gilles et Plucinelle. « Rien. Elle va mourir ? Elle ne passera pas la journée. » En effet, Paquette expira le soir même dans les bras de Gilles, selon son désir. Mais elle ne sentit pas cette dernière caresse, car elle ne recouvra point sa connaissance. Le prêtre venu de Saint-Marc ne put la confesser. Quand elle eut rendu le dernier soupir, Plucinelle étendit sur elle sa main tremblante. « Dors en paix, » dit-il. « Oh, ma chère petite Paquette, tu seras pardonnée parce que tu as beaucoup aimé et que tu as bien souffert. » Et ce fut toute l'oraison funèbre de la pauvre Isabelle. Fin de la section 35. Lue par Saner Myriam Savartès, le 30 octobre 2024.